Cours numéro 8. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salat wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Qala al-Sheikh al-Allama Hamoud al-Twejri rahmatullah alayhi faslun. Wa qad waradat ahadith kathira bin nahi amma fihi ta'zimun li'a'da'illahi ta'ala. Walau bi adna shay min al-ta'zim. Hadha al-fasl rahmatullah alayhi va il a cité plusieurs ahadith fi annahi an ta'zim al-kuffar et كذلك an annahi an mahabbatihim wa wilayatihim ila akhirih. Après avoir cité donc des ayats qu'on a fini dans le dors précédent, 16 versets, à partir de Huna, il va citer quelques hadith sous forme de chapitres dans divers sujets, toujours sur l'alliance et les deux aveux, al-wala ou al-bara, al-musahaba wa al-ziyara wa al-tahniya fi a'yadihim, et beaucoup d'exemples. كذلك وصفهم بالإجلال ومجامعة المشركين, le fait d'habiter avec eux, et beaucoup de chapitres jusqu'à qui va passer à ما يتعلق بالعصا, les pêcheurs parmi les musulmans. قال رحمه الله والمقصود من ذلك والله أعلم سد الذريعة إلى موالاتهم ومودتهم. أي pourquoi on a plusieurs hadiths et كذلك des versets تقدمت بعضها معنا فيها النهي عن تعظيم أعداء الله سبحانه وتعالى. التعظيم c'est le fait de les élever, de leur donner de l'importance. هذا en général c'est basé sur l'amour. Quand tu aimes une chose, tu la عظم, tu lui donnes de l'importance. Il a آخر فلهذا المؤمن يعظم الله سبحانه وتعالى. الله c'est العظيم. المؤمن كذلك يعظم دين الله سبحانه وتعالى. C'est pour ça qu'il respecte l'anbiya, il respecte les savants, il les aime. Il doit obéir au messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Wa hakada. Qala, huna, c'est un hadith, c'est pour fermer la porte. Le fait de ne pas se mélanger ma'ahum, de ne pas habiter avec eux. Le fait de ne pas commencer par le salam. Kadhalik de ne pas les fréquenter. Kadhalik de ne pas s'habiller comme eux. Tout ça, c'est pour fermer la porte. Hatta, il y a une distance entre nous et le kafra. L'imam, il y en a celui qui se mélange, qui fréquente. Le jour où tu lui dis, des ennemis de l'islam, il faut s'écarter, il va te dire la première chose, comme on l'a déjà entendu, et vous l'avez déjà entendu, là, mais ils ne sont pas tous comme ça. Là, mais pardon, ils ont des doutes. Il te dit, là, mais le texte, il dit qu'il faut les détester, il n'a pas vu. C'est pas qu'il a pas vu, c'est tellement qu'il s'est mélangé. Son cœur, il a été aveuglé, il a été touché par elle. C'est pour ça que vous avez remarqué beaucoup de textes. Il y a al-mubayyana, al-mufaraqa, al-musarama. Le fait de s'écarter, de ne pas se mélanger ma'ahum, de ne pas leur ressembler. فَلِهَذَا قَالَ وَالْمَقْصُودُ مِنْ ذَلِكُ وَاللَّهُ أَعْلَمْ سَدُّ الذَّرِيعَةِ إِلَى مُوَلَاتِهِمْ وَمُوَدَّتِهِمْ. فَمِنْ ذَلِكَ بَدَاءَتُهُمْ بِالسَّلَامِ. Parmi ces choses, le fait de commencer à leur dire assalam, et les saluer en premier. قَالَ وَمُصَافَحَتُهُمْ. Al-musafaha, c'est le fait de serrer la main. وَالتَّرْحِيبْ بِهِمْ وَالْقِيَامُ لَهُمْ. التَّرْحِيبْ بِهِمْ, aïe avec certaines kalimates. Certaines kalimates, ou le qiyam ou lahum, et quand Wahad y rentre, il se lève, comme ils font dans les écoles, fait bilad al-kufr. Et hatta, ba'd al-muslimin ta'atharu bihim. Lakin, si c'est un kafir, le professeur, c'est encore plus grave. Il y en a 7 enfants, il est mélangé ma'ahum. Et il les fréquente, il étudie indahum. Le professeur, vous avez remarqué que, en général, l'immense majorité, l'enfant, il donne de l'importance à son professeur. Khasatan les kuffar, ils leur ont donné des alqab, maître ila akhire. Avec tout ça, plus quand ils rentrent, ils se lèvent. Et si vous avez remarqué, au bout de quelques, on ne dit pas quelques années d'école, au bout de quelques semaines, l'enfant, il craint plus le professeur que le père. Il respecte plus le professeur que le père. Obama, cet enfant, il va se permettre de dire certaines choses à son père. Peut-être qu'il ne va pas oublier une chose, peut-être qu'il va lui répondre avec son professeur. Abedan. Il lui dit, lève-toi, il se lève. Assieds-toi, il s'assied. L'humain d'Aleïna, il y a un de ton cri de sous-respect. Si c'est un kafir, c'est très très grave. Si c'est un cheikh, un mudarris, un frère, alhamdoulilah, sans bien sûr se lever, sans l'appeler maître, on n'a pas besoin de hada. Ça y est, il a cité hada. Cheikh Toujni, on le lira ensemble, inshallah. Lakin, pour vous donner un aperçu, si c'est nos enfants, c'est encore plus grave. Les malades, il y en a l'enfant, il est au début. Son cœur, il est au début de son apprentissage, enfin, il accepte et il s'imprègne de beaucoup de choses. L'enfant qui grandit dans cet environnement, c'est très très grave. Ça peut le pousser, comme a dit le Cheikh Hamoud, il a mu'alatihim ou mu'addatihim. Cet enfant, tu le places à l'école, il est avec le kuffar. Bien sûr, quand tu vas aller à l'école, il va avoir des amis. L'enfant, il ne peut pas rester tout seul, c'est un enfant. Même tu lui dis, n'est pas d'amis, il en aura, ouais, c'est un enfant. Le premier qui vient avec un jouet, il va jouer main. Un kafir, Thomas peut-être des contacts avec ses parents, avec le professeur, avec. Et un tas du jour au lendemain, tu lui dis ce qu'elle aime, il ne faut pas les aimer. Il ne va pas comprendre, quoi. Tu lui dis ce qu'elle aime, Vibled musulman, oui, il ne les connaît même pas, il ne les fréquente pas. Ça va rentrer directement dans son cœur. Et ça va lui servir toute sa vie. On doit enseigner à nos enfants. Les salaf, radiyallahu ta'ala anhum, ils enseignaient à leurs enfants mahabbat Abi Bakr wa Umar. Radiyallahu anhuma. Et les autres compagnons. Lakin, surtout Abu Bakr et Omar. Et bien sûr, Baqiyat al-Khulafa et les autres. Lakin, al-Khulafa akthar. Ils sont plus connus, c'est Afdal al-Sahaba. Ça implique quoi? Que si tu les fais aimer al-Sahaba, radiyallahu anhum, là, chaque tu vas les faire détester les ennemis de Sahaba depuis qu'ils sont petits. On doit leur apprendre à aimer les prophètes, à aimer les compagnons, à aimer les savants. À aimer le musulmi, et kadhalik, à détester le kuffar, à détester le yahoud, à détester le nasara, à détester le mushrikin, à détester le rawafid. Hatta cet enfant, il grandit, et il a, walillahi alhamd, dans son cœur, mahabba wa bughd. Maintenant, on laisse les enfants livrer à eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils vont aimer? Prends la grande majorité d'un des enfants musulmans. Ils aiment quoi? Ils aiment les footballeurs. Ils aiment les acteurs. Tu lui parles de Abu Bakr et Omar, tu peux même pas parler de aimer ou détester chez certains, il sait même pas c'est qui. S'il en a entendu parler, c'est une fois, et il ne sait plus trop ce qui. Bardon, il pense que Omar, c'est un prophète. Ou Abu Bakr, c'est un prophète. Ils ne savent pas, des enfants, mais c'est qu'il. Amma, une étude, au lieu de raconter des histoires qui ne servent à rien, à raconter l'histoire de Abu Bakr. Quand il a fait les hijras avec le prophète, quand il a combattu Ahl al-Ridda, raconter l'histoire de Omar. Beaucoup de choses qui sont très, très attirantes pour l'enfant lui-même. Les enfants, si tu lui expliques l'histoire de Abu Bakr ou Omar, pour lui, ça va être quelque chose, il va aimer jiddan. Lakin, le taqsir, il vient des professeurs, des parents, du système en général. Voilà. Amma les footballeurs, pourquoi ils aiment les footballeurs? Pourquoi ils aiment les acteurs? Il voit ça, il n'aurait jamais vu ça. Tu prends Ba'd Aulad de certains, walillahi alhamd, min ahli sunnah, min al-athbat, ils ne connaissent pas toutes ces choses. Tu le parles d'un footballeur, il ne sait même pas c'est qui. Il ne peut pas l'aimer, il ne le connaît pas. Parle-lui d'Abu Bakr, Omar, de Cheikh l'Islam, du prophète qabla dhalik. Yuhibbo l'imam, il vit dans cet environnement. Qala, wa tasdiruhum fil majalis, wa tawsi' lahum fil tariq, lima fil hadith al-sahih, an Abi Hurayrata, radiyallahu ta'ala anhu. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والبخاري في الأدب المفرد. نعم. العلماء quand c'est autre que الصحيح et le hadith l'a rapporté le Bukhari, il précise. Il dit al-Bukhari في الأدب المفرد al-Bukhari في خلق أفعال العباد Al-Bukhari fi raf' al-yadayn, et ses autres livres. Mais quand ils disent Rawah al-Bukhari, tu n'as pas besoin de citer Aïssa al-Sahih. C'est pour ça que kadhalik, il a cité le Bukhari après l'imam Muslim, après l'imam Abu Dawud. لماذا لأنه c'est fi al-adab al-mufrad. Wa al-adab al-mufrad kama rubama ya'lam ba'dhukum, c'est pas comme al-Sahih. C'est pour ça que dans l'adab al-mufrad, tu trouves des hadiths dhaïfs. Il a pas mis les conditions qu'il a mis fi al-Sahih. concernant les rapporteurs de la chaîne de transmission. C'est pour ça que Sahih al-Bukhari, c'est Asah al-Kutub, al-Musannafa. Que les êtres humains, qu'un être humain, il a écrit. Amma Asah al-Kutub, ala l'itlaq, la shak, c'est le Coran. Limada, liyannahu, il a des conditions très précises. Amma fil adab al-mufrad, là. C'est un livre de hadith, khas, atan, dans le comportement. Et c'est pas les mêmes conditions. قال وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح رواه أبو داود والطيالسي في مسنده بنحوه الحديث اللي في صحيح مسلم قوله رواه الإمام أحمد ومسلم فالحمد لله أنه في صحيح مسلم إيه سأسفي pour montrer qu'il est صحيح وفي رواية للبخاري في الأدب المفرد إذا لقيتم المشركين في الطريق فلا تبدأوهم بالسلام واضطروهم إلى أضيقها أي إلى أضيق الطريق رواه الإمام أحمد في مسنده بنحوه نعم تو سي أحاديث سون ثابتة لو بخومي في صحيح مسلم إي لي زوتخ إيزون لا ميم معنى قال وفي المسند أيضا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني راكب غدا إلى يهود فلا تبدأوهم بالسلام فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم رواه ابن ماجه في سننه عن أبي عبد الرحمن الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وقد قيل إن أبا عبد الرحمن هذا هو عقبة بن عامر قال الحافظ ابن حجر قرأت بخط الحافظ عماد الدين بن كثير أنه قيل هو عقبة بن عامر الصحابي المشهور عن أبي عبد الرحمن الجهني نعم وروى ابن ماجه عن أبي عبد الرحمن الجهني فهنا كانه ينخلاف سكي أبو عبد الرحمن الجهني الشيخ حمود il a rapporté la parole de Al-Hafid ibn Hajar que lui-même il a rapporté d'Ibn Kathir أنه c'est عقبة بن عامر الصحابي نعم يتعلمون أن جهالة الصحابي لا تضر العلماء أحيانا ils essayent de savoir ce qui est le صحابي من باب الفائدة pour savoir ce qui est-ce que مثلا هنا c'est عقبة بن عامر ou un autre وإلا فمن si on ne connaît pas son nom tant que c'est un صحابي il n'y a aucun problème لأن الصحابة كلهم عدول c'est tous des personnes de confiance qu'on connaisse le nom ou pas si c'est un sahabi par la chaîne de transmission il n'y a aucun problème au niveau du sahabi أما autre que sahaba là si on ne sait pas c'est qui on est obligé de savoir wa illa ça devient un rawi majhoul et al majhoul bien sûr on ne sait pas c'est qui ça fait du mal au isnad قال وقد يكون غيره فقد ذكر ابن عبد البر في كنية عقبة بن عامر ثمانية أقوال ولم يذكر فيها أبا عبد الرحمن وذكر النووي فيها تسعة أقوال ولم يذكر فيها أبا عبد الرحمن والله أعلم الأمر سهل الحديث إلى صحيح كسس وعقبة ابن عامر أو أنوتخ فالأمر سهل تستفيد من هذا أن سي tu veux connaître des détails sur les sahaba leur kunya leur nom les hadiths qu'ils ont rapporté tout ce qui est lié aux sahaba leur biographie فمن أفضل الكتب الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. C'est pour ça que souvent quand il y a un khilaf dans un nom d'un sahabi ou sa kunya ou son pays ou autre, souvent l'ulama il cite la parole de l'hafid. Il a rassemblé beaucoup de choses sur le sahaba dans ce livre. Il est imprimé en plusieurs volumes. وابن عبد البر كذلك il a un livre sur الصحابة. قال وروى الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد والنسائي والحافظ الضياء في المختارة عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث عقبة. On lit ces chaînes de transmission ou ces différentes riwayas qu'il a citées. Demain, inshallah, on expliquera la masala. وروى أبو نعيم في الحلية عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تساووهم في المجلس وألجئوهم إلى أضيق الطرق فإن سبوكم فاضربوهم وإن ضربوكم فاقتلوهم هذا سأدمند فيغ إن غشاش بل قال وفيه حكيم بن حزام الأزدي وهو متروك الحديث نعم لا شك أن ست رواية فيها الضرب والقتل لضعيفة بل لبسك ضعيفة شديد الحديث لشديد الضعف فيه متروك حكيم بن حزام الأزدي وهو متروك الحديث Donc ce hadith, il est ضعيف. يكفي ما تقدم. Le hadith de صحيح مسلم يكفي. قال وفي رواية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صغروا بهم كما صغر الله بهم. قال فيه انقطاع dans الحاشية بين علي ابن عبد الله الهمداني وشريح وفيه علي بن عبد الله الهمداني وهو متهم بالوضع. نعم هذا كذلك سنحديث إلى الضعيف شديد الضعف بل فيه متهم بالوضع. دونك هنا إلى سيتي هذا الحديث دونك on va prendre comme base le hadith qui est fait صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. تأمل قوله لا تبدأ le fait de commencer de dire assalamu alaykum. Quand c'est un mu'min, na'am, c'est mustahab de commencer. Et c'est obligé de répondre. Amma yahoudia ou nasraniya ou un autre kafir, fala yajouz, de commencer par salam. Et kama ja'a fi riwaya al-ukhra, fa idha salamu alaykum, fa qulu wa alaykum. Si ils disent assalamu alaykum, on dit wa alaykum. Hadith Aisha radiallahu anha, il est connu, annahum, ba'd al-yahoud, il disait assam alaykum. Il disait pas salam, il disait sam. Ça vient du mot sum. Et le poison, il déformait le mot. Fallait hada, un nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur disait, dites wa alaykum. S'ils ont dit assalamu alaykum wa alaykum wa salam, ça implique hada. Et bien sûr, si Allah il dit, il a arrêté. Et s'ils veulent une ma'na qui n'est pas bonne, fa alaykum. Ça revient sur vous. Fahada, c'est ça le sunna. Amma, le fait de commencer, fa la yajouz. Pourquoi? Li'anna, le fait de commencer, fihi shay min at-ta'zim. C'est lui donner de l'importance. Et ce kafir, Yahoudi ou Nasrani, il ne mérite aucune importance. C'est un mujrim, c'est un najis. Allah subhanahu wa ta'ala, il le déteste. En tant que mu'min, on ne lui donne pas d'importance. C'est pour ça que quand tu n'aimes pas une personne, tu as beaucoup de mal à lui passer le salam. Enfin, la haqiqa, celui qui déteste le kafir, il n'y a aucun problème bihal de ne pas commencer de leur passer le salam en premier. Enfin, la haqiqa, il y a aucun problème. Celui qui a compris هذا المعتقد. Mais celui qui n'a pas compris هذا, فربما يستغرب. Pardon, il pense que هذا c'est plus applicable à يدن بالله. Alors que c'est un hadith clair, il est صحيح مسلم. لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. Qui c'est qui a dit cette parole? C'est un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a envoyé comme rahma, وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Et en fait, c'est pour le bien de هؤلاء الكفار. C'est pour le bien de هؤلاء. خاصةً ceux qui vivent في بلاد المسلمين الكفار. هذا lui passe par le salam au début, هذا lui passe par le salam. Et ربما ça le pousse à revenir, à se poser des questions. خاصةً si هؤلاء المسلمون ils ont un comportement correct et ils sont droits, enfin, peut-être qu'il va se poser des questions. Pourquoi il commence jamais par le salam? Et peut-être que ça peut ouvrir une porte à Nahou et se convertir. Fafi hadihi al-mas'ala, il n'y a aucune injustice, comme ils peuvent penser certains. Un peut-être. Lianna, c'est min hukmillahi azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala la yadlim ahad. Qala Abu Dawud, qultu li Abi Abdillah. Ay, qala ya'ni Ahmad ibn Hanbal. Sa kunya, c'est Abu Abdillah. Takrah, an yuqal lirrajul al-dhimmi, kayfa asbahta, ou kayfa halak. أو كيف أنت أو نحو هذا قال نعم هذا عندي أكثر من السلام وقال أبو عبد الله إذا لقيته في الطريق فلا توسع له. Donc on a deux مسألة de ce hadith. البدء بالسلام, le fait de leur dire السلام en premier, et مسألة تضييق الطريق. On commence par la première مسألة. أما قوله تكره أن يقال للرجل الذمي. الذمي c'est un kafir, لكن الذمي vit avec les musulmans sous certaines conditions, fait personne ne lui fait de mal et ça reste un kafir. كيف أصبحت أو كيف حالك. On ne peut pas leur commencer par salam, هذا c'est clair, le hadith il est clair. لكن le fait de dire كيف أصبحت, et comment tu vas, ou si on traduit en français bonjour, كيف حالك, comment ils vont tes enfants, إلى آخره. Est-ce que هذا c'est permis? قال الإمام أحمد هذا عندي أكثر من السلام. قال هذا c'est encore plus que le salam. لماذا? Il y a une demande sur lui, sur ses enfants, sur sa santé, إلى آخره. لكن هذا في الحقيقة فيه تفصيل. شيخ ابن باز رحمه الله il a un كلام جميل في هذا في مجموع الفتاوى. On peut le citer هنا. قال ولا مانع من أن يقال له بعد ذلك. لكن le fait de commencer, si on applique comme le hadith, si nous demandent pas, ils nous passent par le salam, enfin on applique le hadith, on commence pas par le salam. Lakin si مثلا c'est lui qui commence, il dit assalamu alaykum, wa nahnu on dit wa alaykum, ou s'il est tout seul on peut dire wa alayka. هذا سواء واضح ما أبليك السنة. Est-ce qu'on peut rajouter؟ قال الشيخ بن باز ولا مانع من أن يقال له بعد ذلك. أي une fois que on lui a dit وعليكم كيف حالك أو كيف أولادك كما أجاز ذلك بعض أهل العلم. Ça, ça nous montre qu'il y a un خلاف بين أهل العلم. الإمام أحمد رحمه الله قال هذا عندي أكثر من السلام. بعض العلماء si après avoir dit وعليكم فإلا تغيز. قال ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا سيما إذا اقتضت المصلحة الإسلامية ذلك. هذا سنقول طيب خاصة سي يا المصلحة. تأملوا قول شيخ ابن باز مصلحة إسلامية. On doit pas penser toujours qu'à nous. Peut-être qu'il va nous donner, peut-être qu'il va nous donner un travail, peut-être qu'il va nous trouver un poste. On doit pas penser qu'à ça, يدن بالله. لا. سي المصلحة إسلامية. C'est ces مصالح qu'on doit faire passer avant. Ça veut dire quoi une مصلحة إسلامية؟ Peut-être que ça va ouvrir une porte, il va voir le comportement al-jamil, et peut-être qu'il va s'intéresser à l'islam, et peut-être que tu pourras lui faire parvenir al-din plus facilement. Al-hal, c'est permis. قال إذا اقتضت المصلحة الإسلامية ذلك كترغيبه في الإسلام وإناسه بذلك ليقبل الدعوة. هذا سطيب. On peut rajouter خاصة si c'est un proche ou il a حق sur toi comme un voisin. Maintenant, tu as un voisin, c'est un kafir. Et le matin, quand tu sors, il te voit, il te dit bonjour. Assalamu alaikum. En général, ben, ils ne le disent pas, les koufars. Lakin hada, ça arrivait à l'époque du prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam. Les yahoud vivaient fil Medina et ils disaient assalamu alaikum. Et ba'd al-kuffar, un qui vivent dans le pays musulman, ils disent assalamu alaikum. Et hada, tu réponds wa alaikum. Lakin si tu as un voisin, même si on parle fil bilal kuffar, il te dit bonjour, là, je sais que tu as le droit de lui répondre. Tu dis bonjour, tu lui dis bonjour. Et Kadalik, tu peux lui demander comment ils vont ses enfants, comment il va lui, s'il était malade, il a akhiri. Lakin avec hadin niya. Pas pour eux se rabaisser au mibab au ta'zim, on leur donne de l'importance. Vous avez déjà vu, un abad al-muslimin, il passe le salam à son frère, il ne le regarde même pas. Au bas d'homme, il ne passe même pas le salam à leur frère. Et quand ils voient un kafir khasatan qui a une place, maintenant au travail, il a akhiri, au bas d'homme, il lui passe le salam avec les deux mains. هذا لا ينبغي. C'est un adjis, c'est un mouchrik. Il te passe le salam, tu lui réponds, et si c'est un kafir, khasatan, si c'est un kafir qui n'aime pas l'islam, fana'oudou billah, min hada al-hal, qu'on l'élève, ou qu'on lui donne de l'importance. هذا كلام شيخ بن باز في مجموع الفتاوى, il est طيب. فالمسألة فيها تفصيل. Amma si c'est un ennemi de l'islam, et qui combat l'islam, et il te fait montrer qu'il déteste l'islam, هذا في الدعاء أن الله سبحانه وتعالى يكفيك شره. Et tu n'as pas besoin de lui demander هذه الأمور. On passe à la deuxième مسألة. وقال أبو عبد الله إذا لقيته في الطريق فلا توسع له. قال أبو داود أيضا سمعت أحمد سئل أيبتدى الذم بالسلام إذا كانت له إليه حاجة قال لا يعجبون. C'est une حاجة. Et on commence par passer le salam à ce kafir. قال الإمام أحمد لا يعجبني. نعم. Tant que l'insan il peut s'écarter de هذا, il applique le hadith, فطيب. وذكر غير أبي داود أن أحمد رحمه الله تعالى سئل عن مصافحة أهل الذمة فكره. Une autre مسألة avant d'expliquer ما يتعلق بتضييق الطريق على الكافر. المصافحة, le fait de serrer la main. فالإمام أحمد كره ذلك. Il aimait pas هذا. Cheikh Ibn Baz rahimahullah سئل في نور على الدرب عن هذه المسألة. قال إذا كان لا يبدأ بالسلام فالمصافحة أشد. Le fait de النبي صلى الله عليه وسلم nous a interdit de leur passer le salam en premier, لا شك que المصافحة c'est encore plus fort que le salam. لماذا؟ لأن il y a un contact. Donc si un Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de commencer par le salam, fa hakad al-musafaha, on commence pas à leur serrer la main. Baqiya, c'est celui qui vient te serrer la main. Fa al-haqiqa, c'est la même mas'ala que le salam. Qala fa al-musafaha ashad fala yabda'uhum wala yusafihuhum lakin idha bada'uhu bis salam وصافحوه فلا بأس بالمقابلة أما أنه يبدأ فلا يبدأ صحيح هذا كلام طيب Si c'est ce kafir vient et te serre la main, enfin tu lui serres la main. Il te dit, s'il te dit salam alaykoum, wa alaykoum. S'il te dit bonjour, tu lui réponds par bonjour. C'est une maslaha et tu sens qu'il est attiré par din ou tu peux lui faire dawa et tu lui demandes certaines choses, fa tayyib. Wajadilhum billati hiya ahsan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Na'am. Al-mujadala billati hiya ahsan, même avec al-kafir. S'il ne combat pas din, s'il te respecte, il ne se moque pas de toi, il a akhri, c'est un amr tayyib. Donc on a fini as-salam avec la parole, on a fini al-musafaha. Baqiya ma yata'alaq bi tadiq al-tariq. On finit le athar sur al-musafaha. Qala wa rawa Abu Nu'aym fil hilya min tariq Ishaq ibn Rahawayh. Qala haddathana Baqiya. Qala haddathani Muhammad al-Qushayri. أن نعم محمد القشيري عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصافح المشركون أو يكنوا أو يوجب أو يرحب بهم نعم مصافحة تقدمت معنا والتكني سيأتي والترحيب كذلك ماذا قال في الحديث نعم هذا الحديث إن شاء الله نسيغا دو ريغوشيرشي بور لا بروشين فوا نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصافح المشركون سي الحديث اللي ثابت فسا سوغا لا ميم شوز كو السلام أن يصافح أي كون كومونس المصافحة سي صحيح ينظر اون فيغا نسيغا دو فوغ توجيه الحديث بقي مسألة تضييق الطريق سا فو دير كوا هذا Et بعض الناس ils ont pas compris هذا الحديث. أي si tu es face à des kuffars في الطريق ف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم on répète فاضطروه إلى أضيقه. Ça veut dire que tu mot à mot par exemple ils comprennent tu le pousses إلى أضيقه. Et أنت tu passes. Et معنى الحديث c'est pas هذا. معنى الحديث c'est pas comme ça. نقرأ كلام شيخ ابن عثيمين رحمه الله من الشرح الممتع المجلد الثاني باج 218 قال رحمه الله وكل شيء يغيظ الكافر فإنه يرضي الله عز وجل هذا كلام جميل tout ce que il va يغيظ tu peux traduire par la haine parce qu'il va gêner le kafir tout ça c'est محبوب عند الله c'est pour ça que vous avez remarqué qu'on doit les khalif dans beaucoup de choses On ne lui passe pas le salam. Maintenant, ne pas passer le salam au départ. Enfin, Robama, ça peut toucher. Mais dans notre din, c'est matloub. L'imam d'Ali, c'est un kafir, c'est un mujrim. فَكُلُّ شَيْ يُغِيظَ الْكَافِرَ فَإِنَّهُ يُرْضِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ وَكُلُّ شَيْ فِيهِ إِكْرَامُ لِلْكَافِرَ فَإِنَّهُ يُغْضِبُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِكْرَامُ الْكَافِرَ لِلَّوَيْهِ لِدُنَيْهِ الْإِمْبَرْتَانْ Tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas. L'imam Ali Annahu, c'est un ennemi. C'est un ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fait comment lui donner de l'importance ? قال لأن إكرام الكافر معناه إظهار لإكرام لمن أهانه الله وهذه مراغمة لله عز وجل ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في اليهود والنصارى لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه Donc ما يتعلق بالسلام On l'a vu ensemble. Baqiya, la deuxième mas'ala. Qala fa idha taqabala al-muslimun wal-kuffar fi at-tariq, fala bud an yatamayyaz ba'dhum 'an ba'd. Un groupe de musulmans, on est 4-5 frères, on marche sur un trottoir. Et un groupe de 4-5 kafirs qui arrive. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah fa idha taqabala al-muslimun. On est face à face. Wal-kuffar fi at-tariq, fala bud an yatamayyaz ba'dhum 'an ba'd. Faut pas qu'on se mélange. C'est ça, ma'ana al-hadith, on va lire la suite pour mieux comprendre. قَالَ فَهَلْ نَحْنُ نَتَمَيَّزْ حَتَّى يَتَجَوَزُ Est-ce qu'on va s'écarter pour qu'eux y passent ? Abedan. Nous, on est sur le trottoir. Enfin, on reste comme on est. Et hum, quand ils vont arriver à notre niveau, enfin, wahed, peut-être qu'il va à la gauche, wahed à droite, ils vont se frayer un chemin. Nous, on reste comme on est. C'est ça, ma'ana al-hadith. Ça ne veut pas dire que tu es tout seul et il est tout seul et tu le pousses, tu le colles au mur. Ça, c'est un fahm, il est ba'id, fil haqiqa. قال فهل نحن نتميز حتى يتجاوزوا؟ في الجواب لا، بل نبقى نحن الصامدين ونجعل الضيق عليهم. C'est ça le fait de mettre le ضيق عليهم في هذا الباب. C'est toujours comme ça. Si la route elle suffit, va ouais, il va passer, tu vas passer. L'exemple qu'on a donné, ils sont plusieurs, on est plusieurs, un trottoir, on va pas tous passer. Nous on reste comme on est. Et hommes ils vont, hommes la chaque ils vont s'écarter, ils vont passer. قال فهم الذي يتميزون وهذا معنى الحديث وليس معنى الحديث أن الإنسان إذا رأى الكافر ضايقه حتى يكون على الجدار. بعض الإخوة أحيانا c'est pour ça que c'est طيب d'étudier ce genre de livre. لأن البعض ils exagèrent dans certaines choses à cause de l'ignorance. Ils ont une bonne nia لكن ils lisent la traduction فاضطروه إلى أضيقه. Tu peux traduire فاضطروه et pousse-le, oblige-le à se décaler. Ou tu peux comprendre donc que je le pousse. Là, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, on répète. قال وليس معنى الحديث أن الإنسان إذا رأى الكافر ضيقه حتى يكون على الجدار. Donc si tu es tout seul et ce kafir il est tout seul, فأنت ne bouge pas. Marche هو. Si maintenant il est en face de toi, automatiquement, ouais, il va voir que toi tu marches. Ouais, ouais, il va un peu se décaler et laisse-le. S'il se décale, c'est pas tu le suis et tu le pousses. Là, ça c'est pas mis le معنى الحديث. قال هذا لم يكن معروفا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أراده النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح. لأن si ça se ferait comme ça à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم, on aurait des hadiths, on aurait des akhbar des compagnons. أنهم يبغون يجوا فان كريتيان, ils le poussaient contre le mur. أبدا, il n'y a pas de هذا. Donc, كما تقدم معنى الحديث إليه واضح. Et toutes ces معاني المسلم il peut les appliquer في بلاد المسلمين. ما عند الكفار فربما des petites choses يحصل منها ضرر, surtout à notre époque. فالإنسان il fait attention. Les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils veulent que du mal aux musulmans. Il vit avec ses frères musulmans et il pourra appliquer هذا. أنت مثلا tu sors un dans la rue, vous marchez, vous êtes une jama'a, vous êtes sur un trottoir. Et il y a des koufars, des touristes ou autres. Et toi, tu marches comme si eux, dès qu'ils vont voir arriver, ils vont se décaler et ils vont passer. Du coup, les ihtiram, ils disent bonjour, bonjour. On voit qu'ils aiment l'islam, ils veulent parler. On leur fait da'wah. Na'am. S'ils veulent parler en arabe, pardon, ils essayent, ils disent assalamu alaikum. On dit wa alaikum. Tu t'obbaques bi kulli raham. Ma fi bilal kufr. C'est très très compliqué. Ces petites choses, c'est compliqué. L'insan, il fait des efforts pour appliquer son din fi bilad al-muslimin. Et il fait passer les priorités. Hatta il est plus confronté à ce genre de problème. Le musulman fi bilad kufr, il va travailler avec eux. Comment il va tabaq hada? Comment il va tabaq hada? Le travail, tu le croises tout le temps. Il a arrêté. C'est très très compliqué. Un musulman qui vit avec le musulmin, alhamdulillah, il pourra appliquer hada beaucoup plus facilement. Baqi, na'am, nakmil kalamah, rahimahullah. ومما قال رحمه الله ومما يجب النهي عنه ما يفعله كثير من الجهال في زماننا إذا لقي أحدهم عدو الله سلم عليه ووضع يده على صدره إشارة إلى أنه يحبه محبة ثابتة في قلبه. أي il lui passe le salam, il lui serre la main et quand il lui a serré la main, avec sa main, il tape sur sa poitrine, sur son cœur. هذا حتى avec les musulmans, ce n'est pas une sunna. Il n'y a pas de dalil en al-rasoul, les sahaba, radiyallahu anhum, ou alayhi salatu salam, ils faisaient هذا. Donc on n'a pas besoin de هذا. بعض العوام, ils font هذا. Ils serrent la main et après, ils tapent sa poitrine. هذا, on n'a pas de dalil à هذا. On n'a pas besoin de هذا. Lekin, avec le kafir, si c'est fait pour lui montrer sa sympathie et son amitié, au plus fort encore son amour, enfin, c'est très très grave. هذا. Et بعض العوام مساكين, ils ont un حسن ظن بالكافر, il est كبير. لماذا؟ لأنهم leur كثير من الناس الولا والبراء, c'est sur son sa propre personne. Et là, il te dit ce kafir, c'est un touriste, il fait rien de mal, moi il m'a rien fait, il a akhiré. Non, il t'a rien fait, lakin c'est un kafir billah. On te dit pas de l'agresser, de l'insulter, abadan. Lakin l'élever et lui parler ka'annahu c'est je ne sais qui, fa hada la yajouz. S'il passe le salam, on répond wa alaykoum, et s'il faut lui parler dans certaines choses, on lui parle. Et notre qasd, c'est de pouvoir le montrer l'islam. أما سينو دون أوكين أمبورتونس أون لو دون أوكين أمبورتونس. فهذا مراد الشيخ. قال أو يشير بيده إلى رأسه إشارة إلى أن منزلته عنده على الرأس. بعضهم يلفون هذا يستغ لا مان أبخي يفان سين فيغ سا تيت هكذا أي توي Tu es sur ma tête, et ce que tu veux, je le fais. Il lui donne de l'importance. هذا لا ينبغي avec un عدو من أعداء الله. وهذا الفعل المحرم يخشى على فاعله أن يكون مرتدا عن الإسلام. أي الشيخ تويجري رحمه الله يقول نخشى ceux qui font ça أنهم ils sortent de l'islam. أي s'ils ont du تعظيم et ça les pousse à aimer les kuffar إلى آخره. على التفصيل السابق celui qui fait ça et il aime les kuffar, il aime leur dîn, il a agréé, c'est très très grave. Yurcha alayhi hada. Lakin, les gens qui font hada min awam al-muslimin, c'est pas ça qu'ils veulent en général. Aimer pour Allah, ou plutôt détester pour Allah, ils ont un da'f fi hada. On essaye de propager hada al-ilm. Qali anna hada min ablag al-mualati wal-muadati wal-ta'zim li'a'da illa. Wa qad qala Allah ta'ala, wa man yatawallahum minkum, fa innahu minhum. Kama taqaddam, on a déjà détaillé ce verset kathiran. Donc on a pris ma yata'allaq bi al-musafaha wa salam et kadhalik tadhiq at-tariq. Et ces ahkam, ils sont applicables da'iman. Dans certains endroits, celui qui a peur pour son din, mathalan ma yata'allaq bi at-tariq, un muslim, il est fi bilad kufr, il y a un groupe de kafir et c'est lui qui est obligé de se décaler. Ils sont plusieurs, ils peuvent faire du mal. Il se décale. Il essaie de se décaler. Tu ne peux pas appliquer ton din. Et dans les pays musulmans, ça n'arrive pas. On ne peut pas détailler chaque situation. Chaque situation. Dans les pays musulmans, il faut qu'il ait de la hikma. Et il apprend son din et il demande à Ahl al-Ilm. Il sait quoi appliquer. Il sait quoi délaisser quand il faut délaisser. Il a akhiré. نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.